Une héroïne par Pauline de Grandpré. Introduction. Nous faisions de longues promenades, mon frère et moi. Il avait 18 ans et j'en avais à peine 15. Il était déjà grand et robuste. J'étais délicate et frêle. C'était un homme. J'étais encore une enfant. Sa complaisance pour moi était inaltérable. Il obéissait à tous mes caprices, ne se refusait à aucune de mes fantaisies. Grâce à lui, j'ai exploré en tous sens la ville que nous habitions. Dans les champs, j'aime les gazons verts, les fleurs fraîches écloses et les buissons touffus qui nous parlent de Dieu et de la nature. Dans les villes, je passe sans m'arrêter devant les beaux édifices nouvellement bâtis, mais j'aime les anciennes rues, les petites maisons et les vieilles ruines qui nous parlent des hommes qui ne sont plus. J'ai visité dans les moindres détails les sombres pierres de l'antique Marseille. Je ne suis pas né dans cette ville, mais quelques années de mon existence s'y sont écoulées. Les premières pensées qui ont germé dans mon esprit sont écloses dans mon âme à l'aspect de ce splendide ciel bleu qui se reflète dans les ondes transparentes de la Méditerranée. Les premières lignes que j'ai écrites m'ont été soufflées par la brise qu'apporte le flot et qui vient caresser le rivage. Tout enfant, j'ai passé de longues heures, assis sur un rocher, à regarder la mer. Cette mer magnifique où miroite la chaude lumière du brillant soleil du midi. Donc, ce jour-là, après avoir traversé la vieille ville, mon frère et moi, sans découvrir une ruine nouvelle, nous avions gagné l'esplanade de la Joliette. C'était comme une vaste terrasse au bord de la mer. Elle était bornée à droite par la cathédrale, église antique qui servit, dit-on, au culte de Diane avant le christianisme. À gauche, il y avait le port. Devant nous, les ondes limpides s'étendaient dans l'immensité jusqu'au point de l'horizon où le ciel se mariait avec la mer. Les îles, avec leurs ceintures de navires en quarantaine, projetaient leurs noires silhouettes sur l'azur du firmament, et quelques coquettes barques déployaient leurs voiles blanches mollement gonflées. Mon frère examinait les vaisseaux qui se préparaient à entrer dans le port. Je ne voyais que la vague qui suivait la vague. Nous descendîmes de l'esplanade par un sentier ardu et sinueux qui conduisait à la grève. Nous marchâmes longtemps. Nous avions dépassé la cathédrale, et les rumeurs de la ville arrivaient à peine à nos oreilles, affaiblies par le bruit des lames. La plage se rétrécit insensiblement, et une énorme masse de granit me barra le passage. Je m'arrêtai. « Que regardes-tu ? » me dit mon frère. « Je veux aller de l'autre côté. » « Mais nous ne pouvons pas. »« Pourquoi ? » lui dis-je. « Qui nous empêche de grimper sur ce rocher avec précaution ?» Je posai le pied sur une anfractuosité, et je commençai mon ascension. « La roche est unie et luisante, c'est trop dangereux !» cria mon jeune mentor. « Si j'étais seul, je n'oserais, mais tu es là, toi, tu me soutiendras !» Il sourit et ne répondit plus. Je me suspendis à son cou, tandis qu'il m'enlaçait d'un de ses bras. Sa main demeurait libre, cherchait quelques aspérités pour se retenir. Mais la mer était profonde en cet endroit. Bien souvent, la vague irritée battait le roc, et le frottement des lames avait rongé les aspérités. « Nous allons glisser !» cria-t-il. « Tu sais nager !» lui dis-je. « Je n'ai pas peur !» Il continua d'avancer. Une rafale de vent déchira et emporta mon voile. Les ondes bouillonnèrent et leur frange d'écume toucha le bord de ma robe. Nous demeurâmes immobiles et la rafale passa. Mon frère fit quelques pas encore, puis sauta d'une assez grande hauteur et me déposa doucement sur le sable. Un horizon nouveau s'offrait à nos regards. La ville avait presque complètement disparu. Nous avions à notre droite la montagne du Lazaret. Mes cheveux tombaient sur mes épaules. J'ôtai mon chapeau de paille pour les relever. Mais le vent faisait sans cesse glisser entre mes doigts les boucles rebelles. Je me tournai contre le vent. Alors, à 30 pas devant moi, j'aperçus les restes d'une tour à demi écroulée. Je poussai un cri de joie et m'avançai en courant. J'arrivai sur une route poudreuse et presque déserte. Quelques rares maisons jaunies par la fumée montraient çà et là leurs façades irrégulières. La tour était haute, des herbes grimpantes l'entouraient comme un humide manteau, des eaux noires et fangeuses baignaient la base des ruines. On apercevait aussi les vestiges d'un mur qui d'un côté touchait à la tour et de l'autre se terminait à une porte antique et délabrée. À quelques pas du vieux mur était assise une vieille femme en haillons qui me tendit sa main décharnée. Cette ruine vivante était plus triste encore que les ruines muettes. En ce moment, mon frère arriva. Il m'apportait mon chapeau que j'avais oublié. Je mis une pièce d'argent dans la main de la pauvresse. « Comment s'appelle cette tour ?» lui demandai-je. Elle me regarda étonnée, puis regarda la tour et secouant la tête. « Je ne sais pas, » dit-elle. Une jeune fille, grande, brune, une corbeille de fleurs à la main, passa près de moi. « C'est la tour Saint-Paul, » répondit-elle en me présentant ses violettes. Mon frère choisit le plus joli de ses bouquets. « Et le nom de cette porte ?» demandai-je encore. « C'est le Portalet. Où sommes-nous ici ?»« Au boulevard des Dames. »« Et qu'est-ce que la tour Saint-Paul ?»« Je ne sais pas cela, » dit la jeune fille. « Et pourquoi appelle-t-on cette chaussée le boulevard des Dames ?»« Je ne sais pas non plus. » « Alors savez-vous d'où viennent ces eaux bourbeuses ?»« Oui, elles font tourner les roues de plusieurs usines et vont se jeter à la mer. » Mon frère paya double pour les fleurs et les indications. La jeune fille mit sa corbeille sur la tête et s'éloigna en chantant. Je m'assis sur le sable à quelques pas du Portalet et j'effeuillai mes violettes avec distraction. « Petite sœur, tu es triste ?» me dit mon frère. « Oui. Pourquoi ?» « Je veux savoir l'histoire de cette sombre tour, de cette petite porte et de ce silencieux boulevard. »« Mais il n'y a peut-être point d'histoire. »« Oui, il y en a une, et terrible sans doute. »« Je pourrais la raconter en regardant ces ruines. »« J'écoute, » me dit mon frère. « D'abord, il est question de guerriers, puisque la tour est à moitié démolie. »« Et il y a une femme mêlée à tout cela. »« Je ne comprends pas comment. »« Mais puisque ce lieu s'appelle le boulevard des Dames. »« C'est possible, » reprit mon frère. « C'est certain, ces pierres noires me l'ont dit. » Le soleil baissait à l'horizon. Il faisait étinceler la cime des grandes lames. Le vent fraîchissait. Mon frère regardait avec sollicitude mes pieds humides. Il m'enveloppa avec soin de mon écharpe, renoua lui-même mon chapeau, et nous reprîmes le chemin de la ville. Pour trouver mon récit, je secouais la poussière des bibliothèques. Mais l'histoire proprement dite parle des rois, des gouvernements, fort peu du peuple et presque pas du tout des villes. Mes recherches furent insuffisantes. Je consultai les chroniques. À force de soins, j'en ai retrouvé les fragments et je les reconstruite. Il y a une femme et un souvenir d'amour. C'est un roman. Il y a des guerriers et un siège, c'est de l'histoire. Les deux événements ne sauraient être séparés. C'est un roman historique. Le roman historique, fidèlement raconté, passe à l'état de tradition et pour le peuple, sauve l'histoire de l'oubli. J'en ai recueilli plusieurs. J'ai écrit celui-ci quand je n'avais pas 20 ans. Je vais le raconter le premier. Depuis quelques années, je n'ai visité Marseille. On a bâti un port nouveau et des édifices splendides. Je crains que mes ruines favorites n'aient disparu. L'histoire s'enroule comme le lierre autour des vieilles pierres. Respectons les antiques murailles restées debout. Ce sont les derniers débris des siècles tombés. Elles gardent le souvenir des générations éteintes.